بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لا يزال الكلام متعلقا بالاستجمار. Nous allons continuer à parler du sujet l'istijmar, le fait de se purifier avec des pierres ou du moins des solides, comme on l'a vu lors du cours précédent. Nous avons vu, nous avons abordé certains sujets, nous avons délaissé d'autres. Nous avons vu que le musulman, s'il pratique l'istijmar, pour se purifier après avoir accompli ses besoins, alors il n'utilise pas moins de trois pierres. Fait la yastermil akolla min thalathati ahjar. Il n'utilise pas moins de trois pierres. Ou thalathat a'yan mimma yakumu makam al-ahjar. Ou alors il n'utilise pas moins de trois éléments qui vont remplacer les pierres, qui vont avoir la même fonction que les pierres. On avait cité comme exemple al-manadil, le papier trois lettres. Lakin لو أن الحجر الواحد أو الحجرة الواحدة لها ثلاثة أحرف. Si une pierre elle a trois côtés. أو أن المنديل الواحد تستطيع أن تستعمله بثلاث مساحات. Ou alors que le seul papier, un seul et unique, tu peux l'utiliser trois fois. Tu peux donc, la personne peut frotter, donc c'est parti trois fois avec un seul papier. Lui est-il permis d'utiliser ce même papier trois fois, ou alors lui est-il obligatoire d'avoir trois morceaux de papier? Est-il permis d'utiliser une pierre trois fois, ou alors est-il obligatoire d'avoir trois pierres pour nettoyer? Donc c'est parti après avoir fait ses besoins. فذهب الجمهور. Donc la majorité des savants. فذهبوا إلى جواز استعمال حجر واحد بثلاث مساحات. Il voit qu'il est permis d'utiliser une seule pierre trois fois. قالوا المراد بحديث سلمان هو ثلاث مساحات. Ils disent ce qui est voulu par le hadith de Salman, c'est trois passages et non trois pierres. Rappelez-vous le hadith de Salman qui dit wa nahana an nastanjiya bi aqall min thalathi ahjar. Min thalathati ahjar. Et donc Salman qui nous dit, et il nous a interdit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de se purifier les parties en utilisant moins de trois pierres. Ils vont nous dire ici ce qui est voulu par moins de trois pierres, c'est-à-dire moins de trois passages. Et donc tu peux le faire, tu peux faire ces trois passages avec une seule pierre, la baisse. Wa dhahab al-Shafi'i wa ma'ahu ibn Hazm ila wujub isti'mal thalathata ahjar aw thalatha ahjar ala al-aqal. Al-Shafi'i et Ibn Hazm, ils voient qu'il est obligatoire d'utiliser trois pierres au minimum. Là, c'est trois pierres au minimum. Pourquoi? Parce qu'ils nous disent « هذا هو الظاهر من الحديث ». C'est ce qui est apparent dans le hadith. Le hadith, il stipule trois pierres. Ce n'est pas trois passages, c'est trois pierres, c'est ce qui est apparent. Mais on a aussi, en plus de cela, un autre hadith. Le hadith d'Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, qui dit « Et un nabiyu sallallahu alayhi wa sallam al-gha'id » Ibn Mas'ud qui nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est allé aux toilettes, il est allé accomplir ses besoins. « Fa'amarani an atiyahu bi thalathati ahjar » Il m'a ordonné de venir à lui avec trois pierres. « Fa'wajadtu hajarayn wa lam ajid thalithan » فأتيته بروثة. Il dit, Ibn Mas'ud, j'ai trouvé deux pierres, mais je n'ai pas trouvé de troisième pierre. Alors, je suis venu avec un excrément asséché. Alors, je lui ai donné les deux pierres et l'excrément. فأخذ الحجرين, le prophète, il a pris les deux pierres. وألقى الروثة, et il a jeté l'excrément. وقال هذا ركسٌ, et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci est une souillure. Et dans une version, dans une des narrations citées par l'imam Ahmed, qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, i'tini bi hajarin, ramène-moi une pierre. Et donc une troisième. Ils disent ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait très bien pu utiliser une pierre ou les deux pour faire donc ces trois passages. Mais non, il a demandé une troisième. Et donc ils disent, ceci est une preuve que c'est une condition d'avoir trois pierres. Et nous, on va faire la même chose pour les papiers toilettes. Même chose. Donc au minimum, trois morceaux. Ce n'est pas un morceau que tu vas utiliser trois fois. Selon l'avis donc de Shafi'i. Wal akrabu wallahu a'lam huwa qawl al-Shafi'i wa huwa ikhtiyar Ibn Hazm. Et l'avis le plus proche, wallahu ta'ala a'lam, est l'avis de Shafi'i à l'école Shafi'ite dans ce sujet, et c'est aussi l'avis qu'a choisi Ibn Hazm. Wa min al-ma'loum an al-insan in istajmara bil ahjar fa la yuzilu أو فلا تزيل النجاسة بالكلية بل يبقى أثر لاصق بالبدن. Et il est connu que la personne, si elle se purifie en utilisant des pierres, alors les pierres ne vont pas enlever l'impureté totalement. Mais il y a des traces qui vont rester donc collées au corps de la personne. اعلموا ان هذه ان هذا الاثر معفو عنه في الشرع لان النبي صلى الله عليه وسلم اباح الاستجمار بالاحجار مع انه يزيل عين النجاسه ولا يزيل الاثر فدل ذلك على ان هذا الاثر معفو عنه. Et donc vous devez savoir, et c'est là qu'on aborde le sujet que tu as cité hier, vous devez savoir donc que les traces de l'impureté ne sont pas prises en compte dans la législation. Pourquoi ? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé le fait de se purifier avec des pierres. Et il l'a même fait, comme on l'a vu dans le hadith d'Ibn Mas'ud, qui a été rapporté dans le recueil de Al-Bukhari. Et donc, le prophète, il l'a autorisé de le faire. Alors qu'il est connu que le fait de se purifier avec les pierres va enlever l'impureté en elle-même, mais ne va pas enlever les traces de cette impureté. Au contraire, cette impureté, ces traces, du moins, ne vont partir qu'avec de l'eau. Elles ne vont partir qu'avec de l'eau. Et malgré ça, cela nous est permis. Cela nous montre que ces traces ne sont pas prises en compte dans la législation. وَقَدْ ذَكَرَ إِبْنُ قُدَامَةَ في المغني أنه لا يعرف في المسألة خلافا. Ibn Qudama, il a cité dans son livre Al-Mughni qu'il ne connaît pas de divergence dans le sujet. Donc il ne connaît pas de savant qui voit que ces traces vont empêcher la validité des ablutions, par exemple. وفي الحديث أيضا دليل على وجوب غسل اليدين. غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء ثلاثا بعد النوم من الليل. Il y a aussi dans le hadith la preuve montrant le caractère obligatoire de se laver les mains avant de les rentrer dans le récipient lorsque on se réveille après avoir dormi la nuit. Et je précise la nuit, on va voir à la fin pourquoi, inshallah ta'ala. Et cela, on le trouve dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُدْحِلَهُمَا فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ la yadri ayna batat yadu. Et donc il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, et lorsque l'un d'entre vous se réveille après avoir dormi, alors qu'il lave ses deux mains avant de les rentrer dans le récipient trois fois, car aucun d'entre vous ne sait où est-ce que ses deux mains ont passé la nuit. Lakin qabla al-kalam ala al-yadayn ba'da an-nawm aw qabla an-nawm linanzur awwalan hal yajib ghasl al-yadayn fi al-wudu' ibtida'an. Avant d'aborder le sujet concernant le fait de laver les deux mains avant avoir dormi ou après avoir dormi, le jour ou la nuit, abordons le premier sujet. Est-il obligatoire de se laver les mains lorsqu'on fait les ablutions? C'est-à-dire que si j'arrive à la mosquée et que je fais mes ablutions en commençant par le visage, est-ce que mes ablutions sont authentiques? فالصحيح من أقوال العلماء أنه لا يجب أن غسل اليدين سنة. Et donc la vie c'est que le fait de laver les mains est une sunna au début des ablutions. Pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala il dit ya ayyuha alladhina amanu idha kuntum ila salati farsilu wujuhakum wa aydiyakum. Oh ceux qui ont cru, oh vous qui croyez, lorsque vous vous levez pour accomplir la prière, alors lavez-vous les visages. Lavez-vous le visage. Il a commencé par le visage, subhanahu wa ta'ala. Et ensuite les mains. Donc ce qui est voulu par là, donc c'est les mains. Il a al-marafiq jusqu'au coude. Et donc il n'a pas cité les mains jusqu'au poignet. Les savants ils disent, cela nous montre que ce n'est pas une obligation. Alors si c'était une obligation, Allah tabaraka wa ta'ala l'aurait cité ici, dans ce verset. Ayatul wudu. أما إذا استيقظ المسلم من نوم الليل وأراد أن يتوضأ فقالت الحنابلة. C'est donc le dernier point qu'on va aborder aujourd'hui. Lorsque le musulman, il se réveille après avoir dormi la nuit. فقالت الحنابلة يجب عليه أن يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. Les savants de l'école hanbalite, ils nous disent, il est obligatoire que la personne lave ses deux mains avant de les faire rentrer dans le récipient. Al-Shafi'iyya wa al-Hanafiyya. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, la yajib. C'est pas obligatoire. La yajibu rasul al-yadayn. Quel est le dalil de Shafi'iyya et al-Hanafiyya? Ils nous disent, c'est parce que dans le verset, c'est marqué ya ayyuha alladhina amanu idha kumtum ila salati farsilu wujuhakum. Oh ceux qui ont cru, vous qui avez cru, lorsque vous vous levez pour accomplir la prière, alors lavez-vous les visages. Pas cité la main. On reste sur le verset, c'est pas obligatoire. Idha staiqadha ahadukum min an-nawm. Lorsque l'un d'entre vous se réveille, falyaghsil yadayhi, alors qu'il lave ses mains. Avant de les rentrer dans le récipient. Fa inna ahadakum la yadri ayna batat yadu. Car aucun d'entre vous ne sait où sa main a passé la nuit. Et donc Ahmed dit, et donc c'est la nuit. Et la vie, inshallah ta'ala, wallahu a'lam, le plus juste ici pour ce sujet, c'est l'avis de l'imam Ahmed, rahimahullahu ta'ala, et donc il est obligatoire de se laver les mains avant de commencer les ablutions, lorsqu'on se réveille après avoir dormi la nuit. Et ensuite, c'est là qu'on va rentrer dans beaucoup de sujets. Quelle est la sagesse dans cela? Pourquoi est-ce qu'on fait la distinction entre le jour et la nuit? Certains savants donc, de l'école malikite ont essayé de montrer qu'il n'y a pas de distinction entre le jour et la nuit. Et d'autres savants d'école hanbalite qui montraient que non, effectivement, il y a une distinction. Ça, c'est un long débat que nous, on ne va pas aborder, incha'Allah ta'ala. Mais, donc, la semaine prochaine, bi'iznillah, on va aborder le prochain hadith. Waffaq Allahu al-jami'a lima yuhibbuhu wa yarda. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fikum barakallah. استثمر مثلا نعم بالحجاب نعم ثم وجد الماء بعد ذلك لا بأس لا بأس وفيك بارك الله. Donc il a demandé une personne qui a utilisé des pierres pour se purifier, mais après cela il a trouvé de l'eau. Après cela il a trouvé de l'eau. Est-ce qu'il doit après cela utiliser l'eau pour se purifier? On dit non. Pourquoi? Parce que les savants sont unanimes sur la licéité d'utiliser les pierres. Juste les pierres pour se purifier. Et aujourd'hui, donc, on a le papier toilette. Les savants sont unanimes sur le fait que tu utilises le papier toilette. Donc, excuse-moi, tu utilises les pierres pour te purifier, alors tu peux faire tes ablutions sans problème. On va arrêter là, ça fait un peu long. Jazakumullah khair, on est à toi, wa faqallahu jami'a.